mais aussi devant toutes les promesses que Dieu a pour nous dans cette nouvelle année. Ces promesses avec la certitude, comme frère le mentionnait, Dieu n'a pas perdu le contrôle. Nous avons un bon berger qui veille sur chacun de nous. Et la parole de Dieu nous dit, « Il ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël » dans le psaume 121. Et c'est la même chose pour l'Église. Il ne dort ni ne sommeille celui qui garde l'Église, son bien le plus précieux. Depuis justement le début de la pandémie, puis la fermeture totale ou partielle, 10 personnes, 25 personnes de nos lieux de culte, je réfléchis et mon cœur est souvent triste, affligé, à la notion de l'Église et à la notion de tout l'impact des mesures sanitaires sur les croyants, sur leur santé spirituelle. Le fait de limiter les rassemblements de prière, d'adoration, comme disait Benoît, de avoir la difficulté à partager la table du Seigneur, bien ça l'affecte. Ça l'affecte notre vision de l'Église, ça l'affecte notre motivation pour ce que Dieu a de plus précieux. Ce que Dieu a de plus précieux aujourd'hui, c'est l'Église de Victoriaville. Et je veux prier avec l'Église pour le leadership, comment Dieu va encore renouveler sa grâce et ses bienfaits parce qu'il aime l'Église. Je disais à Benoît ce matin, l'Église de Victoriaville, à travers les années, a été une pépinière d'ouvriers pour le Seigneur. Et on va prier pour Éric, que Dieu le bénisse. Mais merci encore, l'Église de Victoriaville a été un outil dans la formation d'ouvriers. Et pour cela, je rends grâce à Dieu. Les incertitudes brouillent notre vision, brouillent souvent notre motivation. Je pensais cette semaine au report des Jeux olympiques du Japon. Ils étaient supposés être en 2020 et ils ont été reportés à 2021. Et présentement, on est encore dans l'inquiétude. Il va-tu en avoir? Il ne retient pas des Jeux olympiques en 2021? Et je lisais des commentaires sur le journal cette semaine sur les athlètes qui ont grandement besoin de motivation puis d'efforts pour arriver aux Jeux olympiques. Mais s'il n'y en a pas, quelles difficultés ils ont, ça l'affecte leur motivation, parce que l'athlète qui perd de vue la raison pourquoi il s'entraîne, ben quand tu as perdu la raison pourquoi tu fais les choses, tu ne persévères pas. L'agriculteur aussi, quand il a perdu, s'il perd la vision de la récolte à venir, ben il n'a pas le goût d'investir sa semence dans le sol non plus parce qu'il manque de perspective. Lorsqu'on manque de vision pour le futur, on perd dans le présent la motivation de foncer, le goût d'avancer, de persévérer malgré les difficultés. Et pour le chrétien, ce n'est pas différent. Le chrétien, de même, il perd, lorsque celui qui perd la vision de l'Église, tant sa vision de l'Église universelle que la vision de l'Église locale, bien quand il perd aussitôt son zèle aujourd'hui, son zèle quotidien pour Dieu, son zèle pour le bon plan de Dieu qu'il a pour son Église, pour la société comme pour l'univers. Un chrétien qui a une pauvre vision de l'Église sur la terre est à la fois un pauvre chrétien. Ce matin, j'aimerais qu'on regarde dans l'Épître aux Éphésiens, j'allais dire aux Hébreux, aux Éphésiens. Parce que dans l'Épître aux Éphésiens, Paul nous présente sa vision et son enthousiasme pour l'Église. L'Église est particulièrement l'unité de l'Église qui constitue le cœur de l'enseignement de l'Épître aux Éphésiens. Je ne sais pas si vous avez une mémoire générale de l'Épître aux Éphésiens, mais elle commence dans son premier chapitre avec les merveilleuses bénédictions spirituelles que Dieu le Père, le Fils, a déversées sur le croyant. Nous avons été élus, nous sommes prédestinés, nous avons été rachetés, nos péchés ont été remis. Nous avons été adoptés comme enfants de Dieu. Nous avons reçu le sceau de l'Esprit. Quelle grande, merveilleuse bénédiction! Mais l'objectif du Père, en nous donnant ces bénédictions spirituelles, était de placer toutes choses sous l'autorité de Jésus. Que l'univers soit placé sous son autorité. Et il a établi, il dit au verset 22 du chapitre 1, Jésus comme chef suprême de l'Église qui est son corps. Quelle merveille! On est rempli de merveilleuses bénédictions de la part de Dieu. Et au deuxième chapitre, Paul il commence à présenter le fait que individuellement, nous avons été introduits à l'Église. Les païens, comme les juifs, ont été introduits à l'Église. Il va commencer, « Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, vous les païens, nous aussi on n'était pas différents », il nous dit. On n'était pas différents des autres, mais Dieu nous a accueillis. Dieu nous a fait naître de nouveau. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et après avoir parlé de l'introduction individuelle des croyants dans l'Église, bien, dans la deuxième partie du chapitre 2, Paul va présenter le fait que les païens, à cause du sang de Jésus, ont été unis. Il y a eu une unification des Juifs et des païens au sein de l'Église. Par le sang de Jésus, les païens, Paul nous dit, ont été rapprochés d'Israël et ont été unis à Israël pour former avec les deux un seul homme qu'il va appeler l'Église, la maison de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Païens et juifs, dans le Seigneur, constituent maintenant son Église. L'Église, elle n'interrompt pas Israël. Pour dire Israël, on arrête, puis là on a l'Église, puis après ça on revient. L'Église n'interrompt pas Israël, pas plus que l'Église remplace Israël. Les païens ont été approchés de Israël pour participer avec eux à la mission de Dieu. L'Église, en fait, elle extensionne Israël. Et l'Église, elle constitue désormais le peuple de Dieu, la maison de Dieu. Les païens convertis, le texte nous dit dans le chapitre 3, verset 6, ils sont devenus héritiers avec Israël. Ils sont devenus participants des promesses sotériologiques que Dieu avait données à Israël, les promesses de salut. J'aime bien 3.6, on va arriver sur le sujet de ce matin, mais 3.6, il dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Dans le texte grec, Paul fait, il emploie un préfixe sur chacun de ces mots-là. Il emploie le préfixe « sun », « sun » qui veut dire « avec ». Ça paraît pas tellement clair en français, mais il dit « co-héritier ». En réalité, il a écrit « héritier avec ». Les païens ont été héritiers avec Israël. Ils forment un corps avec Israël et ils participent à la même promesse avec Israël. Alors, ils sont unis à Israël, ils extensionnent Israël, sans pour autant annuler les promesses ethniques, les promesses nationales que Dieu a données à Israël. Et dans le troisième chapitre, Paul, ayant parlé de l'Église, l'introduction individuelle, l'introduction collective des païens et des juifs, il veut prier pour l'Église. Et il débute le troisième chapitre en voulant prier. À cause de cela, il dit, « Moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens. » Et là, il a employé le mot païen, fait que là, il vient encore clarifier la notion de païen et de juif. Et il arrête un peu, puis après ça, il recommence au verset 14, et il va dire, « Bien, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, et il va présenter ses requêtes, sa prière pour l'Église, dans les versets 14 à 21. Il va présenter trois requêtes pour la vision que le peuple de Dieu doit avoir de l'Église, pour l'enthousiasme qu'il doit avoir, que le peuple de Dieu doit avoir pour l'Église, tant l'Église qui était autour d'Éphèse que l'Église d'aujourd'hui. Et la raison du message ce matin, ma prière ce matin, c'est que ces trois requêtes de l'apôtre Paul puissent susciter en nous une vision renouvelée de l'Église, un enthousiasme qui devient contagieux pour l'Église locale comme pour l'Église universelle. Alors, je vais lire dans Éphésiens chapitre 3, les versets 14 à 21. Oh, c'est par ici, comme ça. Et voilà, on va prier d'abord. Seigneur, on se place devant toi ce matin encore une fois pour te dire merci de l'accès que nous avons auprès de toi. Merci des bénédictions spirituelles que tu as déversées envers nous. Et merci parce que tu construis ton Église. Au sein des incertitudes, au sein des difficultés, tu n'abandonnes pas ton Église, tu la construis. Et Seigneur, notre Dieu, je te prie ce matin que tu nous donnes cette vision renouvelée de l'Église. Cette vision enthousiaste de l'Église que Paul avait. Ô Seigneur, donne-nous la grâce de contempler ton plan pour l'Église, afin que nous puissions être joyeux et heureux de s'engager pleinement dans l'œuvre que tu as présentée pour elle. Seigneur, bénis ta parole ce matin. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Alors, Éphésiens chapitre 3, le verset 1 d'abord. « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, » et là je saute au verset 14, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » OK. Première requête. « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. » Oups! Deuxième requête. « Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. » Et troisième requête, « En sorte que, ou afin que, vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Paul présente trois requêtes. Puissamment fortifié par l'Esprit, saisir toutes les dimensions de l'amour de Dieu, être rempli de toute la plénitude de Dieu. Paul, dans ces circonstances, au moment où il écrit ça, il n'a pas la vie facile, là. Paul, il n'y a pas seulement les yeux fixés dans le ciel et avoir les bénédictions, puis on est assis dans les lieux célestes, mais il y a aussi les pieds bien à terre. En fait, et plus qu'à terre, ils sont probablement attachés avec des chaînes parce qu'il dit « Je suis le prisonnier de Christ pour vous païens. » Il est à Rome et il est en prison. Et il comprend très bien que les vivants, que les chrétiens qui vivent encore sur la terre ont leur lot de circonstances adverses. Tout comme ces chrétiens-là, on vit encore avec notre lot de difficultés. On n'est pas encore arrivé au ciel. Puis la vie chrétienne, elle est encore souvent loin d'être sans embûches ou sans situation d'incertitude ou d'ambiguïté ou de situation très contraignante. Paul n'a pas juste les yeux au ciel, il comprend très bien notre situation ici-bas et il participe lui-même à ses difficultés d'ici-bas. Alors, malgré ça, il va encourager les chrétiens d'origine païenne à ne pas lâcher, à ne pas s'inquiéter. Verset 13, il dit, « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. Lâchez pas les païens, il dit, et perdez pas courage en ce qui me concerne. Mes difficultés contribuent à la gloire des païens. » Paul dit, « Je suis là où je suis, par la grâce de Dieu, et je fais ce que Dieu m'a appelé à faire, d'être ministre de l'Évangile pour les païens. » Même dans des situations où il n'y a pas de liberté, même dans la situation où ce n'était pas facile. Et Paul dit, « Je plie le genou. Je plie le genou devant le Père. » Il va courber son cœur. Il va courber sa personne devant le Père. Il dit, qui est à l'origine, il dit, « Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille. » Paul est en train de jouer avec les mots un peu. Et le mot « père », c'est le mot « patera » en grec, et « famille », « patria ». « Patera », « patria ». Il dit, « Je fléchis les genoux devant le patera, de qui toute patria tire son nom. » Il courbe son cœur en se tournant vers Dieu qui est à l'origine de toute famille de croyants, les familles passées, les familles présentes, qui doivent leur existence au Père et qui doivent aussi leur salut au Père. Et les païens, cette famille différente des Juifs, les païens font partie de ces familles-là avec lesquelles Paul rend grâce. Ils font partie de cette promesse que Dieu avait faite dans le passé à Abraham. Genèse chapitre 12, où il y avait promis un peuple, un pays et une postérité. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, il avait promis à Abraham. Béni soit le Dieu, le Père, qui toutes les familles de la terre tirent leur existence et leur salut. Paul plie le genou devant le Père. Souvent, nos prières à nous sont faites debout. Et c'était la coutume normale de prier debout. Mais la notion de plier les genoux exprime la notion de soumission, de hommage. Et je dois dire que prier à genoux, ce n'était pas exclu non plus du Nouveau Testament. La Bible nous dit par exemple de Jésus, quand il était à Gethsémané, il s'est mis à genoux et il a prié. Il nous parle de Paul quand il était à Milet, puis il a rencontré les anciens autour d'Éphèse. Et après sa rencontre, il a été à la grève, il s'est mis à genoux et il a prié. Prier se fait aussi à genoux. Mais c'est d'abord une reconnaissance de la soumission, de notre hommage à Jésus. Et la Bible dit qu'un jour, tout genou fléchira devant le Seigneur. Alors Paul fléchit le genou. Il s'adresse au Père qui a suscité existence et salut à toutes les familles de la terre, aux païens qui sont venus intégrer l'Église. Et il a trois requêtes. Sa première, qui est au verset 16 et 17. Il prie le Père afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il prie pour que la puissance de l'esprit soit active et puissante dans la vie personnelle de chaque croyant. Paul prie que l'esprit agisse avec puissance dans le cœur régénéré du croyant. Il prie que ce soit l'esprit qui nous fortifie parce que par nos propres efforts, on n'est pas capable. On est insuffisant à accomplir la volonté de Dieu. Même si on la connaît, la volonté de Dieu, même si on voudrait la faire, la volonté de Dieu, nous avons besoin d'être puissamment fortifiés par l'Esprit de Dieu pour faire la volonté de Dieu. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour passer du savoir au vouloir et au pouvoir de faire les choses. Paul dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Alors, Paul prie que nous soyons puissamment fortifiés dans l'homme intérieur. Notre homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour, Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Il dit, lors même que notre homme extérieur se détruit, je comprends bien ça, là, quotidiennement, notre santé, notre l'âge fait que notre homme extérieur se détériore. Il nous dit, lui, notre homme intérieur, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est un processus continuel que l'Esprit fait. L'épanouissement, le plein potentiel du croyant, il se développe. Il se développe jour après jour quand je cède à la conviction de l'Esprit en moi. Lorsque j'essaie de vivre sensible et sous l'influence de l'Esprit qui, en demeurant alerte à ce qu'il veut accomplir à travers moi. Je développe l'homme intérieur lorsque je soumets mes pensées, lorsque je soumets mes actes à la direction de l'Esprit. Et pour que l'Esprit puisse agir puissamment dans l'homme intérieur, bien, j'ai ma part à faire aussi. J'ai besoin de me nourrir de la parole de Dieu. J'ai besoin de confesser mes péchés quand je sais qu'il y a un nuage qui s'établit entre l'Esprit de Dieu qui veut convaincre mon cœur et mes actions qui ne le plaisent pas. J'ai besoin de me repentir, de confesser mon péché. J'ai besoin de demander par la prière aussi que Dieu me remplisse de sa puissance. Et j'ai besoin d'exercer l'œuvre à laquelle il m'a appelé, le service du Seigneur. Et ainsi, lorsque nous sommes fortifiés quotidiennement par l'Esprit, nous manifestons ce fruit-là. Nous manifestons le fruit de l'Esprit. Et en manifestant le fruit de l'Esprit, on est en train de reproduire en nous le caractère de Christ. C'est pour ça qu'il dit « être puissamment fortifié par l'Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi ». En sorte que Christ habite. Est-ce qu'il voulait dire qu'en espérant que Christ un jour habite dans nos cœurs? Nous savons que Christ habite déjà dans nos cœurs. Il habite déjà dans le cœur du croyant. Jésus avait dit à ses disciples dans Jean 14, 23, « Celui qui m'aime va garder ma parole et je me manifesterai à lui. » Et dit le Père et moi, nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Nous, le Dieu, l'Esprit et Christ habitent déjà dans le cœur du croyant. Mais prend-il toute la place qui lui revient dans mon cœur? Et quand il emploie le mot Paul, ici il emploie le mot « habiter », Il n'emploie pas juste le verbe « oikeo » qui parle de maison, mais il parle de « kata », habiter vers le bas, habiter, se sentir pleinement à l'aise dans la maison, se sentir chez lui dans mon cœur, se sentir tout accueilli, se sentir confortablement installé dans le salon de mon cœur, afin que Christ, par la puissance de l'Esprit, reproduit son caractère en moi, se sent pleinement à l'aise en moi, alors qu'il reçoit la place du roi dans mes affections, dans mes plans, dans mes passions. On parle afin que Christ ait le trône de ma vie, afin que Christ habite avec toute liberté en moi. Et ça leur a pour fruit l'amour, étant enraciné et fondé dans l'amour. Racine, parler comme un arbre, vraiment enraciné dans l'amour, et fondé, le fondement d'un bâtiment solide dans l'amour. Dieu est amour, et le fruit de l'habitation de Christ dans le croyant, ça doit être l'amour. C'est l'amour du Christ qui fait qu'on peut trouver des fortes racines. C'est l'amour du Christ qui va nous donner une ferme fondation pour ma vie. Le fruit de l'Esprit, quand l'Esprit travaille en moi, la Bible dit, c'est l'amour, Galates 5, 22. Et sans l'amour, Paul va dire aux Corinthiens, je suis rien qu'une cymbale qui fait du bruit. Je suis rien quelque chose qui retentit, qui sert à rien. C'est à travers l'amour pour Dieu, et c'est à travers l'amour pour l'Église que Christ manifeste sa présence en nous. Paul prie d'abord pour la puissance de l'Esprit dans les vies personnelles, fortifiée puissamment en sorte que Christ ait la liberté d'agir dans ma vie. Et de sorte que le fruit qui va sortir de ma vie, c'est l'amour. Il y a une deuxième requête. Je ne sais pas. Première requête, prière pour la puissance. Oh, par là-bas. Et voilà. Deuxième requête. Prière pour l'appréciation de l'amour de Christ dans l'Église. Il dit, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints, là, pas juste tout seul, mais comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Il prie deuxièmement pour que nous puissions apprécier, que nous puissions saisir, que nous puissions comprendre toutes les dimensions de l'amour de Christ avec tous les saints, pas seulement dans ma vie personnelle, mais au sein de l'Église locale, avec tous les saints. Il va passer de la dimension personnelle à la dimension collective de l'amour de Christ dans le corps de Christ. Il prie que l'Église puisse saisir, que l'Église puisse embrasser, que l'Église puisse apprécier, qu'elle puisse partager ensuite l'amour de Christ dans la communauté chrétienne. J'aime la traduction dans le NIV en anglais. Il nous dit « the power to grasp », la capacité d'attraper, d'apprécier, de saisir l'amour de Christ. Saisir dans l'Église toutes les dimensions de l'amour de Christ. Apprécier un amour qui a pas de limite. C'est pour ça qu'il parle de longueur, largeur, hauteur, profondeur. Il n'y a pas de limite et j'ai besoin nous avons besoin de saisir pour nous cet amour de Dieu pour l'Église. Les limites sont insondables de cet amour-là. Cet amour-là, il nous est dit, il est plus large que l'univers. Il est plus long que l'éternité. Il est assez profond pour retirer de la fosse de destruction un indigent et de le sortir de sa dégradation, de son péché, puis de l'élever plus haut que les cieux, le faire asseoir dans les lieux célestes en Christ. Il y a un chant qui tournait dans mon cœur cette semaine en parlant de ça. Peut-être un chant que mon frère m'a mentionné, que vous l'aviez appris à un moment donné. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix. Aussi vaste qu'un océan, profond comme les mers, ô plus haut que l'azur des cieux, est son amour. Merveilleux amour, large, long, profond, ô plus haut que l'azur des cieux, est son amour. Il y a un papa qui racontait à sa fille comment Jésus l'aimait. Et sa fille demande à son papa, mais comment c'est grand ça, l'amour de Jésus pour moi? Et son papa de dire, bien, c'est grand comme ça. Oh non, c'est grand comme ça. Non, c'est grand comme ça. Non, c'est grand comme ça. Et il monte la croix. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi, amour de Christ à la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de Christ manifesté à la croix. Et le désir de Paul, c'est que nous puissions connaître, apprécier, saisir ce type d'amour, cette grandeur d'amour, cet amour qui transcende toute connaissance. Connaître l'amour de Christ qui dépasse toute connaissance. Connaître ce qui dépasse toute connaissance, c'est sans limite. Et ce privilège-là, il est accordé à ceux qui ont connu l'amour de Christ à la croix, d'abord. C'est un privilège que seuls les enfants de Dieu peuvent apprécier de plus en plus pleinement et de pouvoir le partager. Et vivre la pleine influence de l'amour de Christ dans ma vie, mais alors ça va se manifester dans la communauté chrétienne. Jésus disait, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous vont connaître que vous êtes des chrétiens. L'Église locale, c'est l'endroit principal pour expérimenter cet amour de Dieu-là, pour développer cet amour de Dieu-là, et être capable ensuite de l'exporter dans le monde. Alors, la prière de Paul, comme la nôtre, c'est qu'on puisse étirer nos dimensions de l'amour, d'aimer plus large, d'aimer plus longtemps, d'aimer plus profondément. Paul, dans sa première requête, prie que l'Esprit nous fortifie. Dans sa deuxième requête, il prie qu'on puisse apprécier, saisir l'amour de Christ. Et dans sa troisième requête, elle est encore plus invraisemblable, encore plus extrême. Il prie que nous soyons pleins de la plénitude de Dieu, que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Cette prière trinitaire. Par l'Esprit, être fortement fortifié. Par Christ, connaître son amour qui surpasse toute connaissance. Et par le Père, être plein de toute la plénitude du Dieu trinitaire. Il dit, en sorte que, ou afin, dans le texte grec, il y a hina, les trois requêtes, ils commencent toutes par le même mot, afin que. En français, on a dit en sorte que, afin que, mais ça revient au même. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ce qui est absolument inimaginable de façon humaine et souhaitable de façon divine. Ce qui surpasse toute connaissance. Et non seulement le fait que nous, comme chrétiens, nous soyons devenus participants de la nature divine. Ah, quel bonheur déjà! Nous sommes les enfants de Dieu parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, parce que Christ habite en nous. Nous sommes devenus des participants de la nature divine. Mais la prière de Paul, c'est pas que nous soyons participants de la nature divine. C'est passé pour lui, ça. Il prie que nous soyons pleinement rempli de la plénitude de Dieu. Et il va dire un peu plus tard que les ouvriers sont pour le perfectionnement des saints, afin que les saints grandissent jusqu'à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ce n'est pas juste, oh, le bonheur d'être participant de la nature divine, mais c'est de grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Bien entendu, on est bien conscient que nous sommes des humains et on n'est pas Dieu. Il y a une différence entre Dieu et les hommes. En Dieu, il y a des attributs divins qui ne sont pas communicables. Dieu est esprit, on ne l'est pas. Dieu est éternel, on ne l'est pas. Dieu est infini, Dieu est immuable. Et il y a de ces attributs qui sont non communicables à l'être humain, mais par contre, il y a d'autres attributs qui sont communicables à l'être humain et qui ont été manifestés par le Christ incarné, par Jésus qui est devenu homme, comme l'amour qui nous appelle à connaître les limites, comme la douceur, comme la sainteté, comme la justice, la bonté, la compassion. Ça, c'est ce que Dieu veut remplir les croyants de tous ces attributs-là, jusqu'à la plénitude de Christ. Paul va dire aux Colossiens, vous avez tout pleinement en Christ. Tous ces attributs communicables, manifestés, incarnés en Jésus-Christ, le Père a le désir qu'ils soient manifestés, que nous en soyons remplis. Et pour nous encourager, parce qu'on dirait, oh boy, comment c'est possible d'être rempli de toute la plénitude de Dieu? Alors, il termine en disant, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Dieu a fait la promesse. Pour Dieu, la plénitude de l'Église, des croyants dans l'Église, dans le plan de Dieu. Ce n'est pas juste un vieux pieux, « Oh, j'espère bien que ça l'arrive », mais c'est sa promesse. Ce que Dieu veut, il peut le faire. Or, à celui qui peut faire, parce que sa puissance est sans limite, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Il peut faire. Il peut faire, il dit, infiniment. Il peut faire infiniment au-delà. Au-delà de tout. Au-delà de tout ce qu'on peut demander. Au-delà de tout ce qu'on peut penser. Qu'il soit possible ou impossible, Dieu peut. Dieu peut faire. Infiniment. Au-delà de tout. Je ne sais pas si vous voyez tous ces mots superlatifs par-dessus, par-dessus, par-dessus, par-dessus. Dieu peut. Ce qui est humainement inconcevable, Dieu peut l'accomplir. Et cette plénitude de Dieu dans le plan de Dieu, c'est la promesse que Dieu va accomplir pour l'Église. Et d'ailleurs, non seulement il l'a imaginé, mais le Christ l'a procuré, nous l'a procuré la capacité de le faire en se donnant à la croix. Et c'est lui-même qui dit dans le chapitre 5, les versets 25 à 27, il dit « Pour faire paraître devant lui, devant le Père, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Ça, c'est le plan de Dieu pour l'Église. Afin que Jésus puisse présenter à son Père une Église parfaite, une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Est-ce que nous avons cette vision enthousiaste de l'Église? Enthousiaste face à la puissance disponible par l'Esprit de Dieu qui nous équipe, qui nous fortifie, qui nous transforme à l'image de son Fils? Est-ce que nous avons cette même vision enthousiasme et nous sommes mobilisés dans l'Église par l'amour de Christ pour aller vers les autres, pour développer la communion, la consolation, l'édification? Et comme c'est plus difficile présentement à cause de ces fermetures de lieux de culte et de la distanciation, pas juste de 2 mètres, ça nous distance tellement loin. Oui, c'est plus difficile, mais nous devons avoir cette vision enthousiaste d'être mobilisés par l'amour de Christ pour aller vers les autres, tant pour la consolation que pour l'édification dans la communauté chrétienne. Et est-ce qu'on a encore cette même vision enthousiaste pour l'Église en étant confiant que ce que Dieu a commencé, il va le réaliser? Nous devons être confiants dans la promesse de Dieu qui dit « Je bâtirai mon Église », dans la promesse de Jésus-Christ qui va présenter cette Église sans tache, sans ride, sans rien de semblable, mais sainte et irréprochable. On se doit d'être confiants dans la promesse d'un Dieu qui est capable de réaliser ses promesses. Et évidemment, pourquoi? Ben, que ce soit pour la gloire de Dieu. Il nous dit au verset 21, « À lui soit la gloire. » Dans l'Église! Pas juste au ciel, mais à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, et ça inclut la nôtre, au siècle des siècles. Amen. Ô Seigneur Dieu, donne-nous d'élever nos regards vers toi. Donne-nous d'élever nos regards vers toi pour comprendre, accueillir, accepter que tu n'as pas perdu le contrôle avec ton Église. Tu l'aimes. Jésus a donné sa vie pour elle et tu as un plan pour elle. Seigneur Dieu, donne-nous d'être puissamment fortifiés par ton esprit. Donne à Christ la possibilité de vivre confortablement dans nos cœurs afin qu'on puisse manifester son amour. Et Seigneur Dieu, remplis-nous de toi. Nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi. Remplis ton Église à la pleine capacité de la plénitude de Dieu, afin que ta gloire soit évidente en Jésus-Christ dans l'Église. Oh, c'est ma prière, c'est notre prière, au précieux nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse son Église.